بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue aujourd'hui إن شاء الله تعالى la lecture de cette écrite très profitable d'Ibn Aqil, l'imam Ibn Aqil رحمه الله, concernant الأداب فصول في الأداب والأخلاق Al-Mashru'a. Et donc, un livre concernant les chapitres liés aux mœurs et aux comportements qui sont légiférés. On est arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il dit Faslun wa yanbari lil insan an la yadkhula fi sirri qawmin wala hadithin lam yudkhiluhu fi. ولا يجوز الاستماع الى كلام قوم يتشاورون. Et donc il nous dit un chapitre, il n'est pas convenable, il ne convient pas. Et donc on a déjà vu, j'avais déjà cité précédemment, que souvent lorsque les ulama nous disent il n'est pas convenable, souvent ce qui va être voulu par là, c'est il est interdit. Et donc il est interdit à l'individu de s'immiscer ou de chercher à connaître le secret de certaines personnes, le secret d'une personne ou le secret de certaines personnes, ni de chercher à rentrer dans une conversation dont il n'y a pas été invité. Il ne lui est pas permis d'écouter la parole de certaines personnes qui se concertent. Et donc l'auteur, rahimahullah, ici, il attire notre attention sur le comportement que nous devons avoir envers nos frères, envers nos sœurs, quant à leurs secrets, quant à leur, donc à leur vie privée, à ceux dont on n'a pas été convié. Nous ne devons pas nous mêler de ceux qui ne nous regardent pas. Et donc, il ne nous est pas permis, barakallahu fikoum, il ne nous est pas permis d'espionner. Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, il nous dit wala tajassasu, et ne vous espionnez pas. Et certes, barakallahu fikum, il y a beaucoup de textes qui montrent le fait qu'il est interdit de s'espionner. Et d'ailleurs, concernant ce même verset, regardons comment étaient nos pieux prédécesseurs. Kayfa kana سلفنا الصالحون أخرج عبد الرزاق في المصنف. Et donc عبد الرزاق il nous cite dans son livre المصنف. D'après عبد الرحمن بن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Qu'un jour عبد الرحمن il veillait durant une nuit, عبد الرحمن بن عوف il veillait de nuit avec Omar. Il, donc, s'assurait que tout allait bien pour la communauté musulmane. Il surveillait, etc. Durant une nuit, à cette époque, il faut savoir que Omar ibn al-Khattab, il était gouverneur à cette époque. Bainahum yamshun, shabbalahum sirajun fi baytin fantalaku. فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط. Et donc il dit à Abdurrahman, pendant qu'il marchait avec Omar, c'est alors qu'une lumière apparut dans une maison. Un feu qui a été allumé dans une maison, pour faire de la lumière. Alors ils se sont dirigés vers cette lumière, ils sont partis en se dirigeant vers cette lumière, jusqu'à ce qu'ils se sont rapprochés de celle-ci. C'est alors qu'il y avait une porte fermée, et derrière cette porte, il y avait des gens, qui faisait du bruit, qui avait donc dont il y avait des gens et les voix étaient élevées. Il y avait du vacarme. Fekol Omar wa akhadha bi yadi Abd al-Rahman atadri baytu man hadha. Omar, il a saisi la main de Abd al-Rahman et il lui a dit, est-ce que tu sais à qui appartient cette demeure? Fakultu la, Abd al-Rahman qui dit, j'ai dit non, je ne sais pas à qui appartient cette demeure. Alors là, Omar qui répond, huwa li Rabi'a ibn Umayya, et donc cette maison là, elle appartient à Rabi'a ibn Umayya ibn Khalaf. Wahumul ana shurrab fametara. Et maintenant, donc à cet instant, donc Omar qui dit à Abd al-Rahman, à cet instant, ils sont ivres. Ils ont bu de l'alcool, ils sont ivres. Alors, qu'en penses-tu? Que devons-nous faire? Qu'en penses-tu? قال عبد الرحمن أرى أن قد أتينا ما نهانا الله فقال ولا تجسسوا فقد تجسسنا فانصرف عنهم عمر وتركهم. عبد الرحمن il a répondu à Omar qui était gouverneur. عبد الرحمن il lui a dit, je vois que nous sommes tombés dans ce que Allah nous a interdit. Lorsqu'il a dit « Wala tajassasu » et ne vous espionnez pas. Et certes, ici nous avons espionné. Alors à ce moment, Omar est parti et les a laissés. Regardez ce comportement alors qu'il était gouverneur, responsable de l'application des peines, des sentences. Il a tout de suite appliqué ce texte. Ne pas chercher à rentrer dans la vie privée des gens. Ne pas chercher à connaître les secrets des gens. Hein, ça, c'est un gros problème qu'on a souvent chez beaucoup de personnes dans la communauté. Même dans les familles, les gens vont s'espionner. Se permettre de regarder dans les affaires privées des autres. Tout ça parce qu'on ne connaît pas le comportement islamique. Et donc il continue l'auteur, rahimahullah. Et donc il nous dit qu'il ne nous est pas permis d'écouter un discours, le discours de personnes qui se consultent. La conversation ne te regarde pas. Pourquoi est-ce que tu écoutes? Pourquoi est-ce que tu écoutes? وَمَنْ تَلَفَّتَ فِي حَدِيثِهِ فَهُوَ كَالْمُسْتَوْدِعِ لِحَدِيثِهِ يَجِبُ حِفْظُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ تَلَفُّتَهُ يُعْطِي التَّلَفُّتَ وَالتَّفَزُّعَ. Et celui qui tourne la tête, il tourne la tête à droite et à gauche pendant qu'il parle. Hein, une personne qui te parle, et pendant qu'elle parle, elle regarde à droite et à gauche pour surveiller. Elle surveille si quelqu'un écoute. Et donc si une personne vient à toi pour discuter avec toi, te dire quelque chose, mais la personne ne t'a pas dit, c'est un secret, ne le dis à personne. Vous connaissez cette ambiguïté, hein? Lorsque quelqu'un te confie un dépôt, et que tu es là en train de réfléchir, tu te dis, est-ce qu'il m'a dit de ne le dire à personne ou pas? Certains, si tu ne préviens pas, si tu ne dis pas attention à Akhi, c'est privé, ne le dis à personne, c'est bon, il se permet de parler. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas dit c'est privé, ne le dis à personne. Est-ce que c'est une condition, déjà à la base, est-ce que c'est une condition que la personne te dise attention à Akhi ou attention Orti, c'est privé, ne le dis à personne? Est-ce que c'est une condition pour que il te soit permis d'en parler? Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. Ici, l'auteur, il nous dit, la personne, elle te parle. Mais il y a une corina, il y a un comportement qu'il y a chez la personne qui montre qu'elle ne veut pas que les autres soient au courant. Elle te l'a dit à toi, elle tourne la tête à droite à gauche pour s'assurer que personne n'entend. Et donc cette personne-là, elle est comme celui qui confie un secret. Il est obligatoire de préserver ce secret. Car les changements donc de direction, le fait que la personne se tourne à droite à gauche, qu'elle regarde, qu'elle observe, cela montre une crainte. Et donc il y a un élément qui montre que la personne, elle craint que les autres soient au courant. Et donc c'est que c'est privé, c'est intime. Tu n'as pas à en parler à autrui. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui font attention à leurs dépôts, ceux qui font attention à leurs dépôts et à leurs engagements. Et donc il nous est obligatoire de faire attention à cela, à nos dépôts, nos responsabilités. La personne te confie un dépôt, tu dois le respecter. Il t'est obligatoire de respecter ce dépôt. Tu n'as pas le droit de le trahir. Et encore une fois, barakallahu fikoum, méditons, regardons comment étaient les salafs. Comment étaient les pieux prédécesseurs? Hein, nous, à notre époque, si tu ne dis pas à la personne « Attention, Akhi, c'est privé », mashallah, toute la ville, elle est déjà au courant. Toute la ville, elle est déjà au courant. Comment étaient les plus prédécesseurs? Al-Bukhari, rahimahullah, il cite dans son sahih, « Qala Omar » حين تأيمت حفصة بنت عمر من جنيش ابن حذاقة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد بدرا. Et donc lorsque Hafsa, la fille de Omar, elle a fini sa période de viduité de son mariage avec Junaysh ibn Hudhaqa al-Sahmi, et qui certes faisait partie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait participé à la bataille de Badr, qui est mort à Médine. Omar radiallahu anhu qala li Uthman ibn Affan. Omar radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, il a proposé à Othman Hafsa en mariage. Omar qui dit In shi'ta ankahtuka Hafsa bint Omar. Et donc, Omar qui dit dans cette narration, j'ai dit à Othman, si tu veux, je te donne Hafsa, fille de Omar, en mariage. Il dit ça à qui? Il dit ça à Othman. Alors Othman qui répond en disant, c'est Anzuru fi Amri. Il répond, je vais réfléchir à ma situation, je vais réfléchir. Falabitha layali fa qala qad bada li an la atazawwaja yawmi hadha. Othman qui dit à Omar, certes, il m'apparaît que je ne devrais pas me marier aujourd'hui. Donc, je ne devrais pas me marier avec Hafsa, ta fille. Qala Omar, falaqitu Aba Bakr, fakultu in shi'ta ankahtuka Hafsa binta Omar. Et donc, Omar qui dit, alors à ce moment-là, j'ai rencontré Abu Bakr, et je lui ai dit, si tu veux, je te donne Hafsa binta Omar, ma fille, en mariage, si tu veux. فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي شيئا. أبو بكر عمر qui dit, alors à ce moment-là, lorsque j'ai dit cela à Abu Bakr, il s'est tu. Je lui ai dit, est-ce que tu veux te marier avec ma fille? Il s'est tu et ne m'a donner aucune réponse. Fekuntu alayhi awjada minni ala Uthman. Alors, j'avais plus de colère, je ressentais plus de colère pour Abu Bakr que pour Uthman. Uthman a refusé. Ça m'a mis un peu de colère, ça m'a fait quelque chose. Mais Abu Bakr, il n'a même pas répondu. Alors j'avais encore plus de colère contre Abu Bakr. فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّا. Alors quelques nuits sont passées. Et ensuite le messager d'Allah صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a demandé la main de Hafsa. Et donc je l'ai marié avec Hafsa. فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ. Alors là, Abu Bakr m'a rencontré. فَكَلْ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَة فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ. Et donc, Abu Bakr, il a dit à Omar, il se peut que tu aies éprouvé de la colère envers moi lorsque tu m'as proposé de me marier avec Hafsa et que je ne t'ai donné aucune réponse. Omar qui dit, Kultu na'am, j'ai dit, à ce moment-là, j'ai dit oui. Effectivement, j'ai ressenti de la colère. Qala fa innahu lam yamna'ani an arji'a ilayka fi ma 'aradta illa anni qad 'alimtu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qad zakaraha. فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. Allahu Akbar. Abu Bakr, il explique donc à Omar la raison pour laquelle il n'a pas répondu. Il lui dit, la seule chose qui a fait que je ne t'ai pas répondu, que je ne t'ai donné aucune réponse à ta demande, c'est que je savais que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de Hafsa. C'est-à-dire, je savais que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déjà parlé du fait qu'il aimerait bien se marier avec Hafsa. Alors, je ne voulais pas dévoiler le secret du messager d'Allah. Hein? Il n'a pas dit, le messager d'Allah m'a dit de ne pas dire ou non. C'est privé. Je ne veux pas dévoiler le secret du messager d'Allah, sa vie privée. Mais par contre, si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait abandonné donc le mariage avec Hafsa, ta fille, alors à ce moment-là, j'aurais accepté ta demande. À ce moment-là, j'aurais accepté ta demande. Et donc c'est ainsi, barakallahu fikum, qu'ils étaient les pieux prédécesseurs. Hein? C'est ainsi qu'ils étaient concernant l'espionnage qu'on trouve malheureusement propagé à notre époque, concernant les secrets, hein, le fait de dévoiler les secrets et l'intimité des gens, tout cela qui n'est pas respecté à notre époque. Et donc c'est une leçon que nous devons tirer, barakallahu fikoum, une leçon dans le comportement. Ne cherchons pas à nous mêler de ceux qui nous regardent, de ceux qui ne nous regardent pas. Et donc, cela signifie, retenons nos yeux. Pourquoi est-ce que je parle des yeux? Alors qu'on est en train de parler de discussion, etc. Parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les téléphones ou dans les ordinateurs ou autres. Et certains vont donc regarder ce qui ne les concerne pas. Une conversation entre deux personnes, tu viens et tu regardes le téléphone. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu regardes le téléphone de ton frère ou de ta sœur ou autre? Qu'est-ce qui t'arrive? Lire les messages privés de ton frère ou de ta sœur, a'ouzoubillah. Et donc nous devons apprendre le comportement des pieux prédécesseurs. Le comportement qu'avaient ces gens-là. Ne cherche pas à espionner ton frère ou ta sœur. Et donc ne cherche pas à te faire du tort par tes yeux ou par tes oreilles lorsque tu vas écouter ce qui ne te regarde pas. Et pareillement, une fois que tu es au courant de ce qui ne te regarde pas, ou une fois que tu es au courant de ce qui te regarde parce qu'on t'a confié un secret, alors ne te fais pas injustice à toi-même par ta bouche ou par tes doigts lorsque tu vas dévoiler ce secret par ta bouche ou lorsque tu vas le dévoiler en utilisant tes doigts lorsque tu vas écrire un message à quelqu'un. Préserve les dépôts et préserve la vie privée de tes frères et sœurs musulmans. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.